Donc, on va commencer éducation populaire. Donc, le principe, c'est que cet après-midi, donc, des personnes vont venir faire différents exposés sur des sujets variés. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de nous rejoindre et écouter voilà, ces différents exposés. Donc, à 16h, donc, tout de suite, Camille va nous parler des familistères. Donc, plus précisément, je crois, du familistère de Guise. Voilà, à 16h. Donc, elle va faire un exposé d'environ une vingtaine de minutes. Et après, le principe, c'est que des gens viennent poser des questions. Donc, il y a une interaction, voilà, avec les gens qui écoutent. Donc, voilà. À 17h, donc, on va faire une boîte à questions. Donc, ça, par contre, je connais pas trop le principe, mais bon, ouais. Et à 18h, Anne-Julie viendra nous parler de l'histoire du langage des signes en France. Donc, voilà le programme d'aujourd'hui. Donc, bah, je vais laisser la parole à Camille et n'hésitez pas à venir, voilà. Merci. Oui, alors, bah, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est un peu improvisé cette intervention parce que c'était pas prévu que ce soit moi, mais je me suis dit que ça serait intéressant de venir vous parler du familistère de Guise, donc que très peu de gens connaissent. Qui est en fait donc Guise déjà c'est une ville qui se trouve dans le nord-est de la France près de Soissons et de Saint-Quentin et en fait là-bas j'ai eu la chance de découvrir ce lieu il y a moins de 15 jours en allant avec ma classe parce que je fais une formation donc en allant là-bas avec ma classe et un professeur qui a écrit un livre sur Gaudin donc je sais pas si vous connaissez Gaudin, tout le monde connaît Gaudin pour les poêles Gaudin donc les poêles à bois Gaudin. Et donc Gaudin, ce monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Gaudin, qui est né en 1817 et qui est mort en 1888, a créé ce lieu qu'on appelle le familistère de Guise, donc dans cette ville du Nord-Est. Et c'est un lieu absolument, enfin un lieu et une expérience absolument incroyable, dans la mesure où c'est une sorte de ce qu'il a appelé le palais social. C'est un monsieur qui est un industriel, qui a créé les poêles Gaudin et qui a voulu créer un lieu où ces ouvriers pourraient vivre de façon décente et pas dans la misère qui était celle de la plupart des ouvriers à cette époque-là. Donc je vais vous raconter un peu sa vie parce qu'elle est intéressante, ça permet d'expliquer pourquoi il a créé ce lieu-là. Donc ce monsieur Gaudin est un fils de serrurier qui n'a pas été à l'école jusqu'à 11 ans. Et qui, en fait, à la fin de son adolescence, a fait le tour de France avec les compagnons du devoir. Et lors de son tour de France, il a constaté la misère qui règne dans le milieu ouvrier. Donc les ouvriers étaient, il y avait un très très très grand taux d'alcoolisme et beaucoup d'ouvriers analphabètes. Et donc il a été très frappé par ça et à son retour de son tour de France, il a du coup beaucoup réfléchi, donc en parallèle de la création d'un atelier de fabrication de poêles qui est devenu un grand succès, il a beaucoup réfléchi, notamment à partir des théories de Charles Fourier, donc qu'il découvre en 1842, qui est un philosophe français qui a imaginé ce qu'on appelle les phalanstères. Et les phalanstères, c'est des projets utopiques, mais c'était des projets de vie en communauté. Qui n'ont jamais été mises en place à part et réussies à part le familistère de Guise. Donc c'est pour ça que ce familistère est vraiment une expérience intéressante, très méconnue. Et j'ai cru comprendre pourquoi. Je vous expliquerai après pourquoi c'est très méconnu parce que c'est un tel ovni que du coup il a été critiqué par plein de monde parce qu'il rentrait dans aucune case. Donc ce monsieur découvre les théories de Charles Fourier et il tente une expérience d'entreprise communautaire au Texas. Il investit un tiers de sa fortune personnelle, parce que comme avec ses poils ça marchait bien, il avait gagné des sous, et il a mis un tiers de sa fortune personnelle dans ce projet de communauté au Texas. Ça a été un échec total, donc il a perdu un tiers de sa fortune, mais il a voulu retenter l'expérience et il s'est installé, donc il a transféré le siège de son entreprise en 1846 à Guise, qu'on dit Guise là-bas, qui est aussi connu pour le château du duc de Guise, que certains connaissent peut-être. Du coup, en 1859, il crée ce qu'on appelle donc le familistère de Guise, ou que lui a baptisé le palais social. Pourquoi palais social? C'est qu'il voulait en fait offrir aux ouvriers le confort et la culture qui étaient réservés aux bourgeois. des gens qui avaient des sous et donc il s'est dit qu'il y a pas, enfin que c'était indispensable pour les ouvriers de pouvoir avoir accès à l'éducation, aux soins, à de la nourriture équilibrée, etc. Et du coup, il a créé ce lieu qui est absolument incroyable. C'est dommage, j'ai pas de photos, mais c'est vraiment un immense terrain qu'il a complètement aménagé. Il y a plein de bâtiments où il a fait des logements sociaux, enfin des logements pour ses ouvriers. Il y avait par exemple, en 1889, il y avait quand même 1748 personnes qui habitaient là-bas, donc c'est énorme. Il y avait quasiment 500 appartements qu'il a construits, et donc il y a plusieurs bâtiments donc de logements qui étaient très décents, avec 4 pièces, qui étaient avec une espèce de verrière où du coup les gens pouvaient se rencontrer. Il y avait un système de, il faisait jamais chaud, jamais trop froid, il y avait l'eau potable. Enfin, il a essayé de créer vraiment des situations de confort. Et donc dans ce lieu où il y a 1500 logements, il y avait aussi ce qui est incroyable, c'est qu'il y a il a fait un théâtre parce qu'il estimait que les ouvriers pouvaient aller au théâtre tout comme les bourgeois. Et à côté du théâtre, il y avait une école, et de l'autre côté du théâtre